j'avais tué tous ces gens? Et si j'avais aidé la nature à tuer tous ces gens qui peuplent la terre impunément? Est-ce que tu m'en voudrais, sans seul au dîner? Est-ce que tu m'en voudrais, sans seul à manger? Te manipuler comme d'autres avant toi. Exil, est-ce que tu m'en voudras d'avoir laissé seul le jour où je finirai mon œuvre? Exil, donne-moi la voix, donne-moi un peu de joie, un peu de toi. Quand je te vois, après coup, je ne me souviens pas si j'ai pu endommager ce que je vois. Exil, dis-moi, d'où viennent les lois, d'où vient la foi, l'exil? Donne-moi la jeunesse éternelle et tout ce qui va avec, et celle de mes proies. Exil, je ne sais rien de plus que ce que j'ai. C'est déjà, je ne sais rien de plus que ce que tu sais déjà. Exil, révèle-moi ce que je sais déjà. Exil, un peu de souffrance au matin, quelques gouttes d'acide, rien de bon pour la moisson. Exil, une vie éternelle. J'aurais trop demandé un peu d'amour dans la gâchette. Exil, donne-moi la voix, donne-moi un peu de joie, un peu de toi. Exil, quand je te vois après coup, je ne me souviens pas si je le sais, si j'ai endommagé ce que je vois, ce que je vois. Exil, donne-moi la voix, donne-moi un peu de joie, un peu de toi, un peu de toi. Exil, donne-moi la voix, donne-moi un peu de toi, un peu de joie. Une vie éternelle, serait trop demander un peu d'amour dans la gâchette de l'exil. Un peu de joie, donne-moi la jeunesse éternelle, l'exil. Wow.